La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute sa vie durant, Lewis Carroll n'aura pas quitté Christchurch, l'une des facultés les plus réputées d'Oxford, où il fut d'abord étudiant avant d'y devenir professeur de mathématiques. De son vrai nom, Charles Dodgson, il est né dans une famille de gauchers et de bègues, où les nombreux enfants étaient élevés comme sous une serre, mais dans une atmosphère de bonté et de générosité. Sa vie, mélancolique mais non recluse, nous en avons parlé lundi lors de notre émission biographique, c'était en compagnie de Laurent Burie, et vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en podcast. Et puis mardi, c'est de l'image chez Lewis Carroll dont il a été question, à la fois des photographies qu'il prenait, notamment de ses amis enfants, mais également des images qui ont illustré ses livres, en particulier celle de Tenniel. Et puis hier, avec Sophie Maré-Malval, nous nous sommes arrêtés sur les aspects psychanalytiques et logiques de son œuvre, lui qui a rédigé de nombreux ouvrages en tant que logicien. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du nonsense chez Lewis Carroll ainsi que de ses œuvres La chasse au snark et Sylvie et Bruno, nous sommes avec le philosophe et linguiste Jean-Jacques Lecercle. Bonjour à vous. Bonjour. Vous travaillez à la croisée de la linguistique, de la philosophie et de la littérature, Jean-Jacques Lecercle, ce qui fait de vous un grand spécialiste de l'œuvre de Lewis Carroll et de la littérature du nonsense, le nonsense victorien, dont vous donnez une explication linguistique, littéraire et historique dans votre ouvrage intitulé « Le dictionnaire et le cri » que vous aviez publié en 1995 aux presses universitaires de Nancy, un ouvrage dans lequel vous vous demandiez s'il était nécessaire d'être anglophone pour lire Alice au pays des merveilles. Et c'est vrai que la question se pose, tellement spécifique, et cette langue de Lewis Carroll. La question se pose, mais en fait, l'expérience montre que Alice s'est très bien traduite. Elle a été traduite dans des tas de langues, elle a été traduite de nombreuses fois en français, et très bien, et certaines traductions sont en fait, linguistiquement et littérairement, à la hauteur de leur modèle. Ça doit poser quand même des difficultés très grandes. Ça pose pas des difficultés si grandes que ça, parce que la langue de Carroll est une langue très simple et très pure, et de ce point de vue-là, ça n'est pas Joyce, ça n'est pas un auteur d'avant-garde. Et par contre, les aspects non-sensiques de son écriture se traduisent aussi assez bien, parce que ils ne se traduisent pas, ils se transposent. Je vous donne un exemple. Vous avez un poème très célèbre qui est le poème Jabberwocky, connu pour l'abondance de ses mots forgés, donc du véritable non-sens. Ce poème, il a une traduction française admirable sous la plume d'Henri Parizeau, et je vous cite le dernier vers de sa traduction, « Les verchons fourgus bourniflaient oui. ». Alors voilà un décasyllable superbe qui fait honneur aux vertus poétiques de la langue française. Le mot « bourniflé » n'existe pas, mais il mériterait d'exister. Et la traduction est aussi littérairement réussie qu'est l'original « And the moon rose out grave ». Donc il faut être un petit peu poète aussi pour traduire correctement Lewis Carroll. Il faut être un peu poète, ce qu'était Parizeau. Et un peu linguiste aussi peut-être. Ou alors il faut être Antonin Artaud, lequel a traduit le même texte, mais l'a traduit dans une sorte de... Ça commence par une traduction, mais ça conduit dans un délire et ça finit par des cris à la façon d'Artaud. C'est ce qu'il appelle cette tentative anti-grammaticale contre Lewis Carroll. Alors vous parlez du non-sens depuis tout à l'heure. Ça doit être votre traduction française du nonsense. Il n'y a pas vraiment d'autres traductions de ce mot qui est typiquement anglais. Le mot nonsense, en tant qu'il décrit un genre littéraire, ne se traduit pas. Dans le langage commun, nonsense peut se traduire par non-sens, mais le non-sens, c'est pas vraiment la même chose que ce qu'on trouve dans Lewis Carroll. Du non-sens, ça serait un texte qui se débarrasse de toutes les contraintes de la langue. À la limite, ça serait la salade de mots que les patients psychiatriques produisent quelquefois. Il y a d'ailleurs effectivement une tradition littéraire européenne de non-sens en ce sens. Les phatrasies médiévales françaises, l'équivalent anglais au XVIIe siècle qui était l'école de ce qu'on appelait les water poets, et on trouve dans la poésie comique victorienne des textes de ce genre. C'est à peu près ce que vous produisez sous la douche lorsque vous fredonnez un air dont vous avez oublié les paroles. Par contre, le nonsense carolien, lui, est tout autre chose. C'est-à-dire on ne sombre pas dans le délire, on ne sort pas de la route, on pratique un dérapage contrôlé. Et ce qui veut dire, on pousse la langue dans ses limites, on en explore les frontières, on joue avec elle, mais on n'en sort pas. Dans l'exemple que je citais, les versions fourgues bourniflées, la couche sémantique de la langue n'est pas respectée puisqu'on utilise des mots qui n'existent pas. Par contre, la syntaxe est parfaitement respectée. Je ne sais pas ce que veut dire bourniflet, mais je peux vous dire qu'il est ici présent sous la forme d'une forme à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Et donc la syntaxe est respectée, mais aussi, j'ai dit que c'était un décasyllabe, aussi la forme du vers. Et donc en fait, la tactique linguistique du nonsense carolien, c'est de se libérer à un certain niveau de la langue des contraintes pour fixer sur les autres contraintes, sur les contraintes aux autres niveaux, de façon qu'en fait on joue avec la langue mais on n'en sort pas, on ne sort pas. Et ça c'est typiquement carolien parce que le nonsense ça existe un petit peu avant Lewis Carroll. Je pense notamment à Edward Lear qui avait écrit ce Book of Nonsense alors que Lewis Carroll était encore un enfant, un adolescent. Il l'a lu, je crois, à 14 ans. Est-ce que c'est un genre littéraire qui le précède? Alors, en fait, le seul véritable ancêtre de Carroll, c'est effectivement Edward Lear, parce que le nonsense de Lear est assez proche du nonsense de Carroll. Les limericks, ce sont des poèmes, des petits poèmes qui ont une forme à la fois syntaxique et métrique très fixe, très très encadrée. Et à l'intérieur de ça, on évoque des excentriques, des possibilités tout à fait extraordinaires, des histoires qui débutent et qui n'y finissent jamais et qui n'ont pas de sens. Mais on le fait dans le cadre d'un vers tout à fait régulier, avec une syntaxe tout à fait régulière. Et alors ces deux-là, qui étaient contemporains, ont toujours fait comme si, au fond, ils ne se connaissaient pas, comme s'ils ne s'étaient pas lus. Ça paraît peu crédible. Que Léon n'ait pas lu Carroll, c'est normal puisqu'il venait avant. Que Carroll n'ait pas lu Léon, en fait, on n'en sait rien. Il l'avait peut-être lu. Il ne fréquentait pas les mêmes milieux. Carroll, vous l'avez rappelé, est un universitaire oxonien, il n'est jamais sorti d'Oxford, il appartenait quand même aux couches supérieures de la société. Lear, lui, était un peintre animalier, c'est-à-dire socialement quelqu'un de beaucoup moins important que Carroll. Il dépendait de mécènes, il n'était pas très très riche, etc. Donc il n'est pas sûr qu'il soit entré jusque dans le champ de ce que Carroll lisait ou connaissait. Vous écoutez La Compagnie des Auteurs et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de Lewis Carroll avec Jean-Jacques Le Cercle, le dernier numéro de la série que nous lui consacrons cette semaine. Et on commence cette émission avec la question du nonsense. Ce nonsense dont vous dites, Jean-Jacques Le Cercle, que c'est un genre profondément paradoxal parce qu'il est à la fois conservateur et subversif en même temps. Comment est-ce qu'il est possible pour un genre littéraire d'être ces deux choses-là à la fois ? Alors, le genre littéraire du nonsense est subversif parce que il libère l'imagination. Il produit des histoires sans queue ni tête, des contes à dormir debout, et il les produit quelquefois en poussant la langue dans ses derniers retranchements, c'est-à-dire en produisant des mots qui n'existent pas, en inventant des situations complètement absurdes. Alors ça, c'est l'aspect... Mais est-ce que c'est suffisamment subversif pour attaquer, par exemple, des structures de pouvoir ? C'est ça, la subversion ? Ça attaque des structures de pouvoir en ce sens que ça s'attaque à une forme d'imposition grammaticale et linguistique. Donc ça n'attaque pas directement, si vous voulez, ça n'est pas une valeur politique directe. Ça attaque l'académisme. Lewis Carroll ne brandissait pas le drapeau rouge, au contraire, comme chacun sait, il était d'opinion conservatrice sur tous les sujets. Mais ça met en jeu sérieusement le langage, et surtout ça s'attaque à ce qui était le sens commun pédagogique à l'époque, en particulier tel qu'il est représenté par la littérature enfantine, qui était soit mièvre, soit terroriste. Et la littérature de Carroll est au compte ni mièvre ni terroriste. Elle a l'immense avantage de laisser la petite fille, son personnage, avoir des aventures. Alice, en quelque sorte, dans ses aventures, est une aventurière, ce qu'aucune enfant victorienne ne se permettait d'être. Et en quoi, alors, est-ce conservateur aussi ? Alors, c'est conservateur parce que, bien que la langue soit poussée dans ses retranchements, elle est maintenue, ses structures sont maintenues. On ne sort jamais de la langue. Je vous donne un exemple. Dans toute l'aventure d'Alice, il y a une seule faute d'anglais. Il y a un moment où Alice s'écrit « de plus en plus curieux » et elle dit « curiouser and curiouser », ce qui est une petite faute de grammaire, parce qu'on devrait dire « more and more curious ». Et à tel point que le narrateur souligne immédiatement qu'elle était tellement excitée à ce moment-là qu'elle avait oublié de parler de l'anglais correct. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette faute de grammaire est en réalité une rationalisation, parce que la gamine étend à l'adjectif curious une règle de morphologie de l'anglais qui fait que les adjectifs d'une syllabe prennent leur comparatif avec le suffixe « e » et certains adjectifs de deux syllabes également. « Lazy »,« lazier », mais on dit « curious »,« more curious », ce qui est complètement absurde, mais la langue est absurde. Et donc, à la fois, on dénonce l'absurdité des impositions grammaticales, mais on les maintient. Et le narrateur a dans ce cas-là, cette fonction. Conservateur, subversif, ça ressemble vraiment beaucoup à Lewis Carroll lui-même. Henri Parisot disait dans sa préface dans l'édition Bouquin Lafond de La Chasse au Snark, dont on va parler, que ce poème, c'était une révolte inconsciente par le langage de la part de Lewis Carroll, qui ne pouvait pas, de par son éducation, à la fois rigide mais aussi très enveloppante, réellement se révolter contre sa famille. Qu'en pensez-vous ? Il ne pouvait pas se révolter contre sa famille, et tout indique qu'il n'avait aucune envie de le faire. En réalité, et là ça concerne plutôt Alice que La Chasse au Snark, mais indirectement aussi La Chasse au Snark, ce que Carroll avait envie de faire, c'est d'avoir une affection très grande pour les petites filles, une affection qui ne pouvait pas dire son nom, qui n'osait pas dire son nom et qui probablement n'était comprise ni de la petite fille ni de Carroll lui-même. Et donc il y a là effectivement une révolte inconsciente et qui fait d'ailleurs ce qui est encore attachant de nos jours dans le texte. Pourquoi est-ce qu'au fond on lit encore ce roman pour enfants victorien alors que tous les autres ont disparu ? On le lit parce qu'il y a une intensité d'affect vis-à-vis de la petite fille qui porte le texte et qui le rend extrêmement moderne. Est-ce que ce qui est intéressant aussi chez Lewis Carroll et chez Alice en particulier, ce n'est pas justement cette ambiguïté ? Ce n'est pas ça justement qui fait à la fois dans la vie et dans l'œuvre tout l'intérêt de Lewis Carroll ? Oui, l'ambiguïté est très grande. L'intérêt du conte, c'est ce regard amusé et attendri que la voix du narrateur, c'est-à-dire Lewis Carroll, porte sur son personnage, c'est la petite fille. Et comme chacun sait, le personnage est aussi une petite fille réelle, et le narrateur était Charles Dodgson, c'est-à-dire un être réel. Ambigu parce qu'il y a à la fois cette distance et en même temps cette participation. Ce qui fait qu'en fait, l'enfant Alice est un enfant étonnamment moderne, beaucoup plus que Sophie dans ses malheurs. Le bon coin pour le snark ! Cria l'homme à la cloche, tandis qu'avec soin il débarquait l'équipage, en maintenant, sur le vif de l'onde, ses hommes, chacun par les cheveux suspendus à un doigt. Cela devrait suffire à vous encourager. L'équipage au complet comprenait un garçon d'étage, un marchand de bonnets et capelines, un avocat pour aplanir leurs différends, un courtier en valeur pour chiffrer leur fortune, un marqueur de billard d'une étonnante adresse, plus que sa juste part eût peut-être gagné, mais par chance, un banquier à grands frais engagé jalousement veillait sur toutes leurs espèces, un castor qui arpentait le pont promenade ou, assis sur l'avant, faisait de la dentelle, les avait, disait l'homme à la cloche, souvent du naufrage sauvé. Nul ne savait comment. Il y avait un homme connu pour tout ce qu'il avait oublié de transporter à bord, sa montre, ses bijoux, son ombrelle, ses bagues et les hardes acquises en vue du voyage. Il possédait 42 malles bien pleines, chacune portant peint lisiblement son nom. Hélas, comme il avait oublié de le dire, elles étaient encore sur la grève, en souffrance. Alors ça, c'est un extrait de La chasse au snark, pris dans les pages arrachées à Lewis Carroll, une émission de la fiction de France Culture que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur notre site. C'est un poème, Jean-Jacques Le Cercle, mais c'est aussi un délire. Oui, c'est un délire, et ce qu'on a entendu le montre bien, mais c'est un délire contenu, c'est un délire réglé. Mais ça commence de façon assez étonnante par un moment d'épiphanie. Lewis Carroll raconte qu'il était en train de se promener, je ne sais plus où. Sur une belle colline par un jour ensoleillé. Voilà, et que tout d'un coup, dans sa tête, sont apparus les deux derniers vers du poème « And the snark, for the snark was a boojum, you know ». Ni le snark, ni le boojum n'existent, ce sont donc des mots forgés. Et à partir de là... Ce vers, ça veut dire « car ce snark, c'était un boojum, figurez-vous ». Voilà. À partir de là, et rétroactivement, il a construit en quelque sorte une forme d'épopée. Et c'est pour ça que je dis que le délire est contrôlé, parce qu'on peut analyser la suite des chants de la chasse au snark comme une suite des chants de l'épopée classique, avec descente aux enfers, etc. Alors on va y revenir, mais est-ce que ça veut dire qu'il a écrit, trouvé le dernier vers, et qu'il est remonté, comme un poisson remonte le courant, jusqu'au premier vers? Alors, probablement pas, mais ça veut dire quand même qu'il a commencé par la fin. Et après, il a produit une longue histoire afin d'arriver à ce dernier vers. Et cette histoire, alors, elle est contrainte d'une autre façon. Ce qui n'apparaît pas pour des raisons inévitables de traduction dans ce qu'on a entendu, c'est que la liste des personnages a obéit à un ordre. C'est-à-dire que tous les personnages ont des noms qui commencent par un B. Alors ça fait un banquier, un boucher, etc., etc. Mais ils sont tous déterminés par leur initiale. Alors c'est une drôle de façon de déterminer un équipage, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a donc encore une fois ce mélange de délire complet qui est extrêmement jubilatoire et d'ordre que Lewis Carroll, qui était maniaque, logicien, maniaque, mathématicien, persiste à introduire. Il faut faire de la classification dans le nonsense. Tout à fait. Il y a un côté beckettien chez Carroll. Il faut qu'il y ait des 1-1 et 1-1 et 1. Ouais. Alors, vous l'avez dit, c'est une épopée. Il faut dire que le genre de l'épopée est à la mode au moment où Lewis Carroll commence à écrire La chasse au snark, c'est-à-dire en 1874. On peut citer par exemple Tennyson, qui était un grand poète épique, qu'aimait beaucoup, je pense, Lewis Carroll. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment de ce poème une épopée ? Alors, du point de vue formel, on a un certain nombre d'épisodes qui ressemblent à des épisodes classiques d'une épopée. D'un point de vue peut-être plus moderne, on a l'idée d'un voyage, et d'un voyage qui ne sait pas vraiment où il va et qui, en l'occurrence, se termine mal. C'est-à-dire qu'en réalité, pour la première fois dans Carole, on a explicitement quelque chose de sombre qui s'introduit dans son texte. C'est-à-dire le nonsense qui était jusqu'ici plutôt plaisant. C'est vrai qu'à certains moments, les personnages font pleurer Alice, mais ça ne dure pas. Et en général, ça se termine plutôt bien. Dans la chasse au snark, on ne sait pas tellement comment ça va finir, ou plutôt on a l'impression que ça va finir mal. Et de fait, ça finit mal, ce qui fait que vous avez d'innombrables interprétations de la chasse au snark comme un texte absurdiste avant la lettre. Oui. Mais pourtant, c'est très joyeux ce qu'on a entendu. C'est très joyeux, oui, mais plus le texte avance, plus l'atmosphère s'assombrit. Alors, une des premières biographes de Lewis Carroll, Florence Baker Lennon, parlait de la tragédie, de la frustration et de l'échec au sujet justement de cette chasse au snark. Effectivement, c'est difficile de chasser un animal qui n'existe pas. Ah, on n'a pas raconté ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce snark ? Alors, le snark, ben, à fond, on ne sait pas ce que c'est, sauf que la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est un mot valise, probablement formé par snail et shark, c'est-à-dire un escarquin. Un escargot requin. Oui. Alors essayez d'imaginer cet animal. La chose est assez jubilatoire, mais dans l'escarquin, il y a quand même un requin. Et ensuite, cet escarquin se transforme en un bougeum. Et le bougeum, qui lui n'est pas un mot valise, est un mot prend une connotation extrêmement inquiétante. Oui. Donc l'histoire, c'est ça, c'est qu'on chasse cette espèce d'animal. On chasse cet animal, on le chasse selon des méthodes tout à fait idiosyncratiques. Et quand, au moment où on arrive à le coincer, ce qui prend du temps, il se révèle que le snark en question était un monstre dévorant et tout disparaît. D'où la tragédie de la frustration et de l'échec. Absolument. Mais pourquoi de la frustration ? Parce que l'échec, on voit bien. La frustration, c'est le fait d'essayer d'avancer et de ne pas y parvenir vraiment. Vous vous souvenez que dans la chasse au snark, le bellman, l'homme à la cloche, qui est le capitaine de cet équipage, et donc qui dirige ce voyage, a une carte assez particulière, puisqu'elle est complètement vide. Et ce qui facilite la lecture naturellement, mais qui n'aide pas la navigation. Mmh. Et donc la frustration, cette carte pourrait être un bon exemple de la frustration en question. C'est une carte, vous allez exactement où vous voulez, mais en fait vous n'allez nulle part parce qu'il n'y a aucune indication réelle. Mmh. Est-ce que Lewis Carroll s'est un peu exprimé sur la signification de son poème ? Je crois qu'il acceptait tout type de signification et même les interprétations, je cite, de cette brave dame qui y voit une allégorie du bonheur. Lewis Carroll, la position de Lewis Carroll en général, c'était vous pouvez interpréter exactement comme vous voulez, mais ne me demandez pas à moi de dire ce que c'est, parce que je ne suis guère que l'auteur. Ouais. Et donc, il effectivement, mais là il jouait. Je pense que Lewis Carroll s'amusait intérieurement de ses interprétations, toutes plus ou moins absurde. Est-ce que ce poème ne renvoie pas aussi à celui qu'on a commencé d'évoquer tout à l'heure, le Jabberwocky, extrait d'À travers le miroir, Jean-Jacques Le Cercle ? Tout à fait, il y a une filiation parce que dans le Jabberwocky apparaît le Jabberwock, qui est, là aussi il n'existe pas, mais qui est visiblement un monstre assez terrifiant. Tout à fait terrifiant d'ailleurs dans l'illustration de Tenniel qui est célèbre, mais dans le Jabberwock, ça n'est pas une épopée qui se termine mal, c'est plutôt une balade, parce que dans le Jabberwock apparaît un héros qui va triompher du Jabberwock comme Saint George triomphe du dragon, et en produisant d'ailleurs au moins deux mots forgés qui sont restés dans la langue, puisque il chortled, le mot chortle est passé dans le dictionnaire. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Du coup, aujourd'hui. Ça veut dire glousser, quelque chose comme ça. Et on le rencontre quelquefois, c'est pas un mot très fréquent. Et l'autre, c'est le mot gallumph, alors qui est un mot valise de gallop triumphantly, et qui lui aussi est passé dans le dictionnaire. Et c'est ce que fait le héros dans le Jabberwock. Le Jabberwock, à la fin, finit trucidé. Ce qui n'est pas le cas du Snark, qui au contraire, gagne la partie. On écoute un extrait du Jabberwock. Il était reveneur. Les slictueux toves sur la loinde giraient et vriblaient. Tout flivoreux vaguaient les borogoves. Les verchons fourgus bourniflaient. Au Jabberwock, prends bien garde, mon fils. À sa griffe qui mord, à sa gueule qui happe. Gare l'oiseau Jab-Jab et laisse en paix le frumieux, le fatal pince-macaque. Le jeune homme, ayant ceint sa vorpaline épée, longtemps, longtemps cherchait le monstre manxiquet. Puis, arrivé près de l'arbre tépé, pour réfléchir un instant, s'arrêtait. Or, tandis qu'il lourmait de suffèches pensées, le Jabberwock, l'œil flamboyant, ruginiflant, par le bois touffeté, arrivait en barigoulant. Une, deux, fulgurant, d'outre en outre, le glaive vorpalin perce ses tranches, flac, vlon. Il terrasse la bête, et brandissant sa tête, il s'en retourne, galonfant. Tu as tué le Jabberwock ! Dans mes bras, mon fils rayonnois, au jour frableux, caloucaloc. Le vieux gloufait de joie. Il était reveneur. Les slictueux toves sur la loinde giraient et vriblaient. Tout flivoreux vaguaient les borogoves. Les verchons fourgus bourniflaient. C'est évidemment jubilatoire à écouter. Vous l'écoutez toujours avec le même plaisir, Jean-Jacques. Avec le même plaisir. Et je viens de me souvenir que chortle, c'est glouffé. Donc ce mot a maintenant un sens. Et après tout, le mot glouffé, comme le mot bourniflé, mériterait d'être adopté par la langue française. Est-ce que l'Académie est prévenue de ça? Parce que maintenant que l'Académie est d'accord pour beaucoup d'évolutions, voilà. C'est peut-être le moment. Tout à fait. Ouais. Alors, quelle analyse on peut faire finalement de ce poème? Est-ce que c'est un poème sur le langage, par exemple, Jean-Jacques Le Cercle? C'est un poème qui réfléchit un peu sur le langage, oui. Mais... En réalité, l'analyse est difficile. On ne sait pas très bien ce que Carroll voulait faire. Et il s'est fait un immense plaisir en inventant cette suite nonsensique d'événements. Il y a moins de contraintes qu'il y a dans Alice. Par exemple, dans Alice, il y a des intuitions linguistiques, des réflexions sur le langage qui ne sont pas présentes dans le The Hunting of the Snark. Précisément parce que c'est un poème et que ça ne se prête pas aux commentaires métalinguistiques ou aux réflexions. Mais il y a une sorte de jubilation dans la pratique du vers, c'est-à-dire laisser parler le vers comme ça a commencé. Il s'est laissé parler. Il y a un exemple célèbre plus récent de ça, c'est François Le Lyonnais ayant lu le vers de Keats, A thing of beauty is a joy forever, et se promenant au jardin des plantes devant la cage des primates, dit, s'exclama tout d'un coup, un singe de beauté est un jouet pour l'hiver. C'est-à-dire ce qu'on appelle une traduction du vers de Keats, une traduction selon le son et pas selon le sens. Et là encore, vous avez le même sentiment épiphanique, ce qui fait qu'en réalité, on se laisse aller à un affect de la langue. La langue vous saisit et on se laisse porter par la langue pour dire alors n'importe quoi, mais n'importe quoi de très jubilatoire. Donc c'est plutôt la chasse au snark qui se prête à l'analyse sur le métalangage, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut en dire? On est dans une parodie, dans la chasse au snark, on est dans un travail directement sur le langage lui-même. Alors, on n'est pas dans une parodie. Carole, comme vous savez, a écrit beaucoup de parodies et les contes d'Alice en sont pleins. C'est pas une parodie d'épopée quand même, un peu, justement? On est plutôt dans un pastiche, c'est-à-dire une reproduction distanciée des topoi d'un genre littéraire, de ses aspects formels, qui est une façon de laisser la langue parler. Et au fond, la seule interprétation que j'aimerais donner de la chasse au snark, c'est dans la chasse au snark, c'est la langue qui parle. Oui. Et ça, c'est déjà dire beaucoup, et c'est déjà un premier fil qui permet de tirer beaucoup de choses. Tout à fait, oui, c'est ça nous dit des choses sur ce que c'est que le langage, ça ne sert pas uniquement, peut-être même pas principalement, à communiquer des informations, que le langage, ça capture des sujets, ça les capture corporellement, ça produit de l'affect, ça produit de l'expression, et la chasse au snark est un bon exemple de ça. Parce que si c'est la langue qui parle et pas le sujet qui parle, le sujet est aliéné. Le sujet est aliéné, mais de façon plaisante, parce que il se laisse aller il se laisse prendre par la langue. Mais se laissant prendre par la langue, se laissant aller au flux de la langue, il finit par surnager en quelque sorte, et par la maîtriser. Et il la maîtrise par la structure du vers. La structure de la strophe du vers. Et donc, il y a cette dialectique de je suis capturé par la langue et en même temps, je maîtrise cette langue qui me capture. Tout ça pour le plus grand plaisir de l'auteur et du lecteur. Jean-Jacques Lecercle, on va continuer à parler avec vous des textes de Lewis Carroll, mais pour l'heure, c'est le moment de la chronique de Nathalie Frolov. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nathalie Frolov, professeure de lettres en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer à votre tour la question du nonsense, avec en particulier l'épisode du chat de Cheshire. Décidément, je n'y arrive pas, dans Alice au Pays des Merveilles. Oui, le chat du Cheshire. C'est Cheshire, ah, oui, c'est compliqué, merci. L'anglais toujours. Semble être un contrepoint au nonsense, car c'est un chat qui philosophe sur la folie. Il souligne de manière très logique le caractère illogique du monde qui l'entoure. Et ce chat sait parler, il apparaît, il disparaît, et il laisse flotter ce fameux sourire énigmatique qui nous plaît tant. Par ses aspects, ses jeux de mots, peut-être rappelle-t-il d'autres chats tout aussi complexes qui jouent aussi avec l'imaginaire du lecteur. Nous pouvons ainsi peut-être inscrire Potasson comme digne héritier du chat d'Alice. Potasson, c'est le chat de Léopold Fargue. Je cite ce curieux animal que son maître initie à des jeux variés qu'une pratique quotidienne arrivait à rendre mystique. Mais ce nom de Potasson, dans la correspondance de Fargue, va déborder l'espèce féline pour désigner les chiens de Larbeau, et à partir de là, un peu n'importe quoi avec le mot de potassonnerie. Et ce nom de Potasson va surtout devenir le signe de ralliement d'une nouvelle confrérie secrète, les Potassons, dont Adrienne Monnier est la reine et Fargue le pape. En 1922, dans sa chronique Les Potassons, qui est en un hommage à Valérie Larbeau, Fargue fait entrer les Potassons en littérature grâce au récit d'un voyage ou en couleur qui cartographie des lieux divers pour aboutir, grâce à un train bizarre à la locomotive en forme de trombone, chez un imprimeur et dévoiler le premier volume des œuvres complètes de Larbeau et de Fargue. On voit bien ici que le chat Potasson a permis les fables les plus débridées et les jeux de mots les plus virtuoses. Mais le chat du Cheshire a sans doute connu un autre héritier chez Jacques Roubaud. Alors Jacques Roubaud, qui justement a aussi traduit la chasse au snark dont on parlait à l'instant. Exactement, avec François Le Lyonnais aussi, cet oulipien, voilà. Jacques Roubaud, qui est comme l'auteur d'Alice, quelqu'un qui manie et la poésie et les mathématiques. Alors dans La Belle Hortense, Roubaud s'amuse et amuse le lecteur en reprenant tous les codes romanesques pour les exhiber comme tels. Comme dans tout bon roman, on trouve une affaire criminelle, celle de la terreur des quincaillers, un inspecteur, une héroïne Hortense, mais aussi un narrateur dont l'auteur se moque, et surtout un chat, à l'ascendance aristocrate qui s'appelle Alexandre Vladimirovitch. Alors cet Alexandre Vladimirovitch, c'est un chat un peu spécial, qui intervient dans le récit, mais toujours de manière très inopinée, et sans pour autant participer véritablement à l'action du roman. Il apparaît comme une sorte d'observateur distant, un peu narquois, dont l'auteur nous donne des nouvelles de temps en temps, en particulier dans ce qu'il appelle les entre-deux chapitres, qui sont des aires de repos pour le lecteur un peu fatigué qui ne se souvient de rien. Le chat du Cheshire et cet Alexandre Vladimirovitch, et ça marcherait aussi très bien pour les potassons, apparaissent donc comme des personnages sensés qui donnent leur point de vue distancié, logique sur le monde qui les entoure. On pourrait dire qu'ils constituent une sorte de fil ou de ligne structurelle dans des intrigues très décousues qui partent dans tous les sens. C'est ainsi qu'on pourrait dire qu'ils peuvent être interprétés comme des contrepoints au nonsense. Mais en même temps, ils sont quand même dans une position assez étrange de surplomb par rapport à l'histoire, comme s'ils s'en désintéressaient. Et par ce décalage, ces différents chats ne sont donc pas seulement des contrepoints au nonsense, ils sont surtout, je dirais, dans un renversement très carolien, l'exemple même du nonsense, son incarnation, on pourrait dire sa métaphore. Le chat du Cheshire, comme les chats de Fargue et de Roubaud, peut in fine représenter ce que leurs auteurs veulent atteindre en écrivant, ce sourire mystérieux, si difficile à capter, qui fait naître des images saisissantes chez les lecteurs. Jean-Jacques Le Cercle, un mot sur le chat de Cheshire et puis cette chronique de Nathalie Frolov. Le chat de Cheshire, effectivement, peut être pris comme une métaphore du nonsense. Ce sourire qui disparaît, c'est-à-dire quelque chose qui est là mais qui ne peut pas être, un sourire sans chat. On connaît, Alice dit que j'ai déjà vu des chats sans sourire, mais des sourires sans chat, jamais. Et ça peut être effectivement pris comme l'emblème du genre. Merci beaucoup Nathalie Frolov pour ce contrepoint. Donc sur Lewis Carroll et le chat de Cheshire, à très bientôt. Vous êtes bien sur France Culture, à l'écoute de la Compagnie des Auteurs. Nous terminons notre cycle consacré à Lewis Carroll avec aujourd'hui Jean-Jacques Le Cercle, qui est l'un des grands spécialistes de l'auteur des Alice, de La Chasse au Snark et aussi de Sylvie et Bruno, dont voici à présent un extrait. Je n'eus qu'à m'étendre sur l'herbe tendre et le sentiment de fantastique m'envahit immédiatement. « Penchez très bas votre oreille, » dit Bruno. « Je vais vous dire un secret. » C'est la fête d'anniversaire de la grenouille. Et on a perdu le bébé. Quel bébé ? Dis-je un peu ahuri par ces nouvelles compliquées. Le bébé de la reine, évidemment, dit Bruno. Le bébé de Titania. Et on est bien triste. Sylvie est désolée, mais désolée. À quel point est-elle désolée ? Demandai-je malicieusement. « Ah, 70 centimètres !» répondit Bruno avec un parfait sérieux. « Et je suis un peu désolé aussi, » ajouta-t-il en fermant les yeux pour que je ne voie pas qu'il souriait. « Et qu'allez-vous faire pour le bébé ?»« Eh bien, les soldats le cherchent, dans tous les sens, partout. »« Les soldats ? » m'exclamai-je. « Sûr !» dit Bruno. « Quand ils n'ont pas de bataille à faire, ils se mettent un peu à tout, vous savez. » « Mais comment avez-vous fait pour le perdre ?» demandai-je. « On l'a mis dans une fleur, » expliqua les yeux pleins de larmes Sylvie qui venait de nous rejoindre. « Seulement, on a oublié dans quelle fleur. » Alors c'est un texte un peu étrange. Comment faut-il l'appréhender, Jean-Jacques Le Cercle ? Alors là, je crains de ne pas être la meilleure personne pour parler de Sylvie Bruno, parce que je déteste ce roman. Ah. Mon amour pour Alice est exclusif. Vous pouvez nous dire d'ailleurs comment vous êtes tombé amoureux d'Alice à l'âge de 16 ans ? Je suis tombé amoureux d'Alice à l'âge de 16 ans parce que tout d'un coup, je me suis dit que le monde de Jules Verne n'était pas le seul possible et que... des aventures sans queue ni tête avaient au moins autant d'intérêt que 3 semaines en ballon. Ouais. Rassurez-nous, vous êtes quand même encore un peu amoureux de Jules Verne aussi. Non, pas tellement visiblement. Il m'arrive encore de lire Jules Verne, mais pas aussi souvent que je relis Alice. Ah, vous relisez encore beaucoup Alice ? Je relis Alice sans arrêt. Quand on est amoureux d'un texte, on ne peut pas s'en séparer. Et donc, si je suis amoureux d'Alice, je ne peux pas aimer Sylvie. Et ce n'est Sylvie et Bruno. C'est exclusif. Alors, je peux essayer de dire pourquoi. C'est un texte intéressant en ce sens que il joue sur systématiquement sur deux mondes différents, qu'il a des aspects fantastiques, etc. Mais c'est au fond, de la part de Carole, tout au moins c'est mon opinion, une tentative ratée d'écrire un roman. Carole était génial quand il écrivait des contes pour enfants. Il n'avait pas la force d'écrire un grand roman victorien. Sylvie Bruno, par sa longueur, est un de ces grands romans victoriens. Comme vous savez, les romans victoriens, on appelait ça les three deckers, des trois niveaux, parce qu'il fallait qu'ils soient publiés en trois volumes pour que les bibliothèques circulantes qui prêtaient et qui faisaient payer au volume rentrent dans leurs fonds. Et donc il fallait que le roman de Dickens ait 600-700 pages. Et donc il a essayé d'écrire son three decker, et à mon avis ça n'a pas marché parce que il a voulu mettre là-dedans des contenus sérieux qui sont totalement absents d'Alice. Il a voulu mettre... Carole, malheureusement pour nous, ou peut-être pour lui, avait des convictions religieuses et politiques fermes, et il a voulu les mettre dans ce roman, d'où des conversations d'un très haut niveau théologique qui sont d'un ennui profond, et qui ne réussissent pas à... qui nous gâche le plaisir qu'on a au passage nonsensique, parce qu'il y a dans Sylvie Bruno de très belles pages et de très beaux textes nonsensiques. Par exemple, la célèbre chanson du jardinier. C'est un peu comme s'il avait perdu finalement ce rapport à l'enfance et à la naïveté qui rend si beau les deux Alice. Il a voulu entrer dans la littérature sérieuse. Il a voulu montrer qu'il pouvait discuter de problèmes religieux qui le préoccupaient réellement. La foi religieuse de Carole n'est pas en doute, elle était très profonde, mais il a voulu en faire littérature et ça ne marche pas. Son talent n'était, et en particulier toute la mièvrerie sur Sylvie est amour et amour est Sylvie, qui maintenant est pour nous insupportable. Les enfants victoriens dans la littérature victorienne sont souvent des têtes à claque. Ils sont extrêmement religieux, ils sont des lits de mort très édifiants. Et malheureusement, Sylvie Bruno, pour moi, participe de ça. Alors, essayons quand même de... Mais le public ne s'y est pas trompé tout de même, parce que c'est un livre qui n'a pas connu du tout de postérité, ou presque pas. Non, bien sûr, le public, effectivement, ne s'y est pas trompé. Essayons de sauver ce qui pouvait être sauvé. Je pense qu'on peut essayer de sauver deux choses. D'abord, il y a des moments nonsensiques. Il y a une partie, un des deux univers dans lequel, et ce que le passage qu'on nous a lu illustre bien ça, il y a des personnages qui se comportent, qui nous rappellent les personnages d'Alice. Mais ils nous les rappellent, c'est plutôt un souvenir un peu lointain de quelque chose de glorieux plutôt. Et d'un autre côté, alors il y a une tentative de penser la coexistence de deux mondes et le passage de l'un à l'autre. Et le plus intéressant peut-être, ce sont les moments de passage. Comment est-ce qu'on passe du monde des faits au monde de la réalité? Et en l'occurrence, alors comment passe-t-on d'un monde à l'autre? Eh bien, de différentes façons, par coïncidence, par accident, et ça préoccupait suffisamment Carole pour qu'il ait, dans la préface au second volume, établi une liste des passages où ce passage avait lieu. Et alors ça relève aussi de la croyance chez les Victoriens pour le monde des faits. Les Victoriens étaient obsédés par les faits. Il y a dans la peinture victorienne toute une série de peintres de faits qui sont souvent très très très réussis. Et Conan Doyle lui-même croyait aux faits et s'était fait prendre par la célèbre escroquerie de ce photographe qui avait prétendu photographier deux faits au fond de son jardin. avec de petites jeunes filles avec des ailes de papillon qui virevoltaient au-dessus des fleurs. Ça, naturellement, c'était un montage grossier, mais Conan Doyle y avait cru. Et Carole aurait aimé croire à l'existence des fées. Est-ce qu'il y a, après Lewis Carroll, une postérité au nonsense en Angleterre? Et puis bon, alors après, évidemment, plus loin, on pense au surréalisme, peut-être même à l'Oulipo, mais restons encore au 19e siècle, au début du 20e. Au 19e siècle, au début du 20e, il n'y a pas eu vraiment de postérité. Il y a une tradition de la poésie comique débridée qu'on retrouve même chez T.S. Eliot, par exemple, qui a écrit un livre des chats. Il y a des poètes qui se laissent aller à ça. En fait, la seule descendance réelle que je trouve au nonsense victorien, ce sont les chantefables de Desnos. Le pédicant de Jonathan, etc., etc. Ce sont de très jolis poèmes qui sont écrits pour des enfants. Il faut toujours que ce soit écrit pour les enfants, le nonsense. Il semble que les enfants sont les lecteurs privilégiés de ce nonsense. Le paradoxe étant que ce sont des textes écrits pour les enfants que les adultes lisent. Ou que les adultes lisent aussi. Que les enfants ne comprennent pas toujours. Et même peut-être, ça je ne suis pas sûr. Enfin, j'en crois à mon expérience, quand j'avais 10 ans et que j'ai lu Alice pour la première fois, je n'ai rien compris. Oui, c'est à 16 ans que vous êtes tombé amoureux d'Alice, rappelons-le. Vu que je le détestais. Donc peut-être qu'effectivement, les enfants ont du mal à comprendre. Encore que les contes étaient un très grand succès chez les petits victoriens. Mais il faut comprendre que ce qu'on leur offrait comme livre pour enfants assez malheureux était terrifiant. C'était des histoires édifiantes d'une mièvrerie accablante ou d'un terrorisme quasi sadique. Il y a un des best-sellers de la littérature enfantine de l'époque qui s'appelle The Fairchild Family, dans lequel il y a deux scènes célèbres. Il y a la scène où petits héros se sont, les deux frères se sont battus, et le père, pour les corriger, les emmène jusqu'à un gibet pas très loin, où pend le cadavre d'un fratricide. Donc il tient ses petits gamins devant le cadavre puant et leur montre. Et l'autre scène, c'est le voisin est mort, il est mort depuis quelques jours, mais on emmène quand même les enfants voir le cadavre pour faire leur éducation. Bon, en effet, Alice, ça n'est pas cela, mais il y a quand même de la gravité dans Alice au Pays des Merveilles. Alice pour l'enfant, c'est une chose beaucoup plus grave, au fond, qu'amusante. C'est peut-être amusant pour les adultes, mais pour les enfants, c'est extrêmement grave, parce que dans Alice au Pays des Merveilles, il s'agit de la liberté la plus fondamentale de l'enfant, c'est celle de grandir. Grandir ou non, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je parle de liberté. C'est la possibilité, à volonté, de devenir grand, ce qui est angoissant et qu'on désire tout de même, ou si ça n'a pas réussi, de rapetisser, de manger de l'autre côté du champignon. Avec aussi les angoisses qui accompagnent l'apprentissage des opérations mathématiques, arithmétiques les plus simples, qui sont l'addition et la soustraction. Au fond, Alice s'est fait sur l'addition et la soustraction, qui annoncent alors les deux autres opérations, la multiplication et la division, qui sont déjà des mystères qui touchent au mystère même de la vie et des adultes. D'où l'extraordinaire attrait et l'extraordinaire gravité qui se peint sur le visage des enfants quand ils se mettent à lire Alice. La compagnie des auteurs, vous souscrivez, Jean-Jacques Lecercle, à ce que vient de dire en archive Denis de Rougemont? Moi, je ne veux pas avoir d'opinion vu que je ne suis plus un enfant depuis très longtemps. Mais j'aurais tendance à espérer que les enfants lisent Alice avec un peu moins de sérieux que la chose semble suggérer par Denis de Rougemont. Je ne suis pas sûr que l'enfant qui lit Alice y éprouve des affects quasi mystiques à l'idée de pratiquer la table de multiplication, etc. Qu'il y ait des angoisses et que le texte réponde à des angoisses, comme celle de grandir, certainement. Après tout, dans Alice, au début du premier conte, passe son temps à changer de dimension. Oui, et bien souvent, elle est trop grande pour l'endroit où elle se trouve. Et d'où le sentiment très fort de frustration, puisque quand elle est grande, elle ne peut pas entrer dans le jardin parce que la porte est trop petite. Et quand elle a rapetissé, elle a tellement rapetissé que la porte est trop grande et qu'elle n'arrive pas à atteindre la clé. Et donc, il y a sans arrêt cette... Et ça, c'est effectivement, peut être lié au problème que pose le changement corporel de l'enfant. Ce qui est plus intéressant, sans doute, c'est la question du jeu, et même, dirais-je, dans votre sillage, l'esthétique du jeu. Vous avez préfacé l'ouvrage de Virginie Hichet qui s'appelle justement « L'esthétique du jeu dans les Alice de Lewis Carroll » aux éditions de L'Harmattan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet-là, Jean-Jacques Lecercle? Alors, je peux vous dire d'abord que le livre en question est excellent. Voilà, ruez-vous dessus. Et qu'il faut le lire. Carroll était, comme chacun sait, complètement obsédé par le jeu. Il n'arrêtait pas d'en inventer. Mais il avait, vis-à-vis du jeu, et c'est ça qui est intéressant, une attitude double. Parce qu'il y a chez Carroll, à la fois, il y a deux types de jeux. Roger Caillois, dans sa classification des jeux, en distinguait quatre, mais en particulier deux qu'il appelait la paedia et le ludus. Et la paedia, c'est le jeu non réglé que pratiquent les petits enfants, sans que le jeu simplement... Qui s'invente au fur et à mesure qu'on le fait. Qu'on invente au fur et à mesure qu'on le fait. Le ludus, c'est le jeu réglé, le jeu qui obéit à des règles. Et Carroll, qui était un homme de règles et qui inventait sans arrêt des règles du jeu, en fait, met aussi en scène, et met surtout en scène dans Alice, des exemples de ludus déréglé qui verse dans quelque chose qui est comme la paedia. Je prends deux exemples, la course à la comitarde, le caucus race, où tout le monde court, mais dans toutes les directions, où il n'y a pas de point de départ et pas de point d'arrivée, et où tout le monde gagne. Ou bien la partie de croquet, alors jeu éminemment réglé, qui se tient sur un terrain où il y a des on prend son tour, etc., mais qui se joue dans Alice, comme vous savez, avec pour maillet des flamants roses et pour boule des hérissons. Ce qui fait que lorsque Alice veut frapper le hérisson avec son flamant rose, le cou de celui-ci se tourne et le flamant rose la regarde. Et pendant le temps qu'elle réussit à persuader le flamant rose de se redresser, le hérisson s'est carapaté et on ne sait pas où il est. Donc vous avez cette façon de concevoir le jeu à la fois comme quelque chose de réglé et quelque chose qui est fait pour être profondément déréglé. C'est la subversion de la règle. C'est la subversion de la règle. Alors on peut étendre ça pour en faire effectivement une esthétique, comme fait Virginie Hichet. Alors cette esthétique, est-ce que c'est l'esthétique du jeu de mots, par exemple ? Le jeu de mots fait partie de la chose. Là, ce que je viens de décrire, c'est l'esthétique des jeux réglés et des pratiques. Et le jeu de mots, lui, il consiste à prendre la langue au piège de ce qu'elle offre. La langue n'arrête pas de nous prendre au piège, elle n'arrête pas de nous faire parler, elle n'arrête pas de nous faire dire plus que nous ne voulons dire, autre chose que nous voulons dire. Ça s'appelle le lapsus, ça s'appelle toutes sortes de choses comme ça. Mais en même temps, par le jeu de mots, nous pouvons faire dire à la langue autre chose que ce qu'elle voudrait dire, autre chose que ce qu'elle croit dire, et ainsi de suite. Et donc vous avez ici quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appelle l'interpellation, ou le locuteur est interpellé par la langue et ses contraintes, et de la contre-interpellation du locuteur qui renvoie à la langue les contraintes qu'elle lui fait subir. Et puis le jeu, c'est aussi le jeu d'échecs, dans De l'autre côté du miroir, où il y a une drôle de partie, où on ne respecte pas l'alternance logique entre les joueurs, par exemple. Là aussi, c'est la subversion de la règle. Tout à fait. Mais en même temps, alors ce qui est extrêmement curieux, c'est que l'ensemble du conte se passe sur un damier. Donc on est à l'intérieur du jeu, on ne peut pas sortir du jeu. Et pourtant, les séparations entre les damiers sont indiquées explicitement dans le texte chaque fois. Alice saute par-dessus un petit ruisseau Et dans le texte, quelquefois, il y a une frise qui indique le passage matériel d'une case à une autre. Et en même temps, on ne respecte pas les règles du jeu d'échecs. C'est-à-dire on est dans le jeu d'échecs, on joue une partie, mais on ne respecte pas les règles. Mais quand même, Alice finit par aller à Dame, ce qui est l'objet de la chose. Merci beaucoup, Jean-Jacques Lecercle. Je rappelle donc que vous êtes professeur émérite à l'université Paris 10, philosophe, traducteur, et qu'on vous doit notamment la direction du volume collectif intitulé Alice. Et puis un livre de vous qui vient de paraître, son titre. Il s'appelle De l'interpellation. Voilà, De l'interpellation, c'est un livre de philosophie. Il y est question aussi de Lewis Carroll. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Malonda, Garance Mazelier et Louis Bardinet. Demain, Alberto Manguel et Michel Zinc seront les invités de Manu Farine dans La Compagnie des poètes. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour La Compagnie. La nouvelle traduction de Pétrarque parue dans Poésie Gallimard Poche est intitulé « Canzoniere ». Chanson, me voici donc avec le cœur plus froid de peur qu'une neige glacée. Car je sens que je meurs sans aucun doute, et tout en hésitant j'ai dévidé assez de fil pour ma petite toile. Nul poids ne fut plus lourd que ce que je porte dans cet état. La mort à mes côtés, je recherche une autre règle de vie, je vois le mieux, mais je fais cap au pire. Oh ! On apprend par la préface que Beckett était fou de Pétrarque. Il avait, dans sa jeunesse, recopié en italien des sonnets sur les murs de sa chambre. Confidence pour confidence, il était fou du sonnet 170. Mais c'est entre nous. Sonnet 226. Aucun toit n'eut moineau plus seul que moi. Aucun bois n'eut de fauve plus sauvage. Quand je ne vois pas son visage, il n'est pas d'autre soleil que mes yeux recherchent. Mon seul plaisir est de pleurer toujours. Rire me pèse et manger m'empoisonne. La nuit tourment et le beau temps orage. Mon lit n'est rien qu'un dur champ de bataille. Le sommeil est vraiment ce que l'on dit, le parent de la mort, car il arrache le cœur à la pensée qui le fait vivre. Village natal, vous seul possédez mon trésor que je pleure, ombreuse plaine. Et vous, rivage vert, fleuri, heureux. Le décasyllabe, dit René de Secati, le traducteur, nostalgique, retenu, suspendu, permet le raisonnement et la fine remémoration. Quand l'octosyllabe que j'ai adopté pour traduire la Divine Comédie est le vers de la vision, de la mémoire fulgurante, de l'imagination galopante, de l'invective et s'il le faut du blasphème. L'alexandrin est pompeux, autoritaire, visionnaire sans doute parfois, mais surtout mise en scène. Il est fait non pour dialoguer, mais pour méduser l'autre et le faire taire. Le 231 de Pétrarque, c'est un sonnet. Je vivais plutôt content de mon sort, sans moindre peur, sans éprouver d'envie, car si amant, à chance plus clémente, mille plaisirs ne valent mes tourments. Or ces beaux yeux, qui ne me font jamais regretter la moindre de mes douleurs, une brume les couvre, épaisse brune, qui va jusqu'à éteindre mon soleil. Ô bestiale nature apitoyée, comment peux-tu contradictoirement faire et défaire des choses si belles? D'une source vitale tout provient, mais comment permets-tu, Père suprême, que ton cher don soit ainsi bafoué? Doux courroux, doux dédain et douce paix, doux mal, douce affection et douce charge, doux entretien doucement entendu, hors de doux souffle, hors de douce braise, âme, ne te plains pas, souffre en silence, modère la douce amertume qui nous blessa du doux honneur que tu pris, d'aimer celle à qui il dit c'est toi seul. Merci Jacques Bonafé pour ces poèmes traduits par René de Secati.